Bonsoir Nando. Ouais, bonsoir à tous. Notre invité du soir, comment bonsoir. Ça va? Salut. Ben ça va bien. Mieux que les Girondins. C'est pas dur. C'est bien à l'essentiel. C'est pas très compliqué. Bon Nando, comment tu as vécu ce début de saison? Ben un peu comme tout le monde, je pense. C'est-à-dire que ouais, un peu circonspect, c'est le mot. C'est-à-dire que ouais, quand on entend des projets de vente, quand on a le processus de vente en cours, ben on se dit on va enclencher la marche. Donc franchement, j'étais assez serein. Je me disais pas pas peur ni rien, assez serein. Et puis finalement, bon, les premiers matchs en Europa League, ça a été à peu près, mais c'est vrai que ben, le dernier épisode qu'on a eu la semaine dernière, c'est Dallas, quoi. Donc c'est là où un peu y a à boire et à manger des deux côtés, ce que j'ai déjà dit sur Twitter, quoi. Je pense que les torts sont partagés. J'ai peu goûté la sortie de Gustavo. Hein. Pas sur le fond de ce qu'il dit, c'est plus sur la forme. Oui. C'est-à-dire que d'accord. On se l'est pris un peu dans la gueule comme ça. À un moment, je pense qu'il préparait un peu sa sortie. Alors moi, c'est un gars que j'aime bien, mais j'ai déjà dit la saison dernière et tout ça. Si tu veux, c'est un peu un gars, je trouve, qui rue trop vite dans les brancards. Et après, notre club, il est tel qu'il est. Hein. Il est comme ça. C'est-à-dire, c'est une vieille dame. C'est sûr que ça a toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire qu'on est quand même, on n'est pas comme l'OM. Faut pas trop la bousculer, quoi. Ben voilà. Alors je dis pas qu'il faut pas. Hein. Je dis juste que c'est sûr que ça fait tilt. Bon, comme je dis, il a eu des couronnes de sortir ça comme ça, mais je trouve que. Moi, ce que j'ai cru comprendre, alors après, je suis pas dans le secret des dieux, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que ce qu'il balance à la presse, il balance pas la même chose à la direction. Donc, c'est un peu deux messages différents. Et c'est un peu ça qui me gêne. Après, et son franc-parler comme lui, ça me plaît. Hein. C'est pas le problème. C'est juste la façon, on va dire. La façon. Enzo, je tiens à rappeler, alors on est en direct avec Nando Chachalana, donc tu es un des influenceurs des Girondins, on peut le dire. T'es aussi sur Yahoo. Tu t'occupes un peu de comme l'a fait, je vais te donner une comparaison, je suis sûr qu'il va te faire plaisir, comme le fait Pierre Ménès avec Carrefour. Tu vois. Voilà, tu t'occupes un peu de gérer les matchs et les tweets. Quoi, il fait quoi Pierre Ménès avec Carrefour? C'est lui qui, les jours de match et autres, il s'occupe en fait du Twitter de Carrefour et il tweet là-dessus. Comment ça, il tweet des promos sur les dorades ou comment non, ça Non, se non, non, il tweet au nom de Carrefour sur les matchs, etc. Tu vois. Ah, d'accord, ok. Mais bon, après, enfin voilà, bon bref, on va pas ça polémiquer drôle, sur hein. ça, tu vois. Et moins 50% sur le gigot, allez, je vous le fais. C'est pour moi. Nando, qu'est-ce que t'en penses, toi, de 50% sur le gigot, justement. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du mercato des Girondins cet été? Ben écoute, pour moi les deux postes, il y en avait des postes, on va dire, je vais pas parler des mecs à dégager et tout ça, je pense que les gars qui sont partis, à part Baïs, moi je regardais, voilà, Laborde, c'était pour son départ, pas que j'aime pas le joueur, hein, il nous a rendu un paquet de services, mais... Je pense justement que pour passer un échelon au-dessus, il fallait changer d'attaquant. Et sur le marché des transferts, on n'en a pas 10 000 qui étaient bankable. Donc en attaquant, je parle. Donc on sait que de Préville, à l'heure actuelle, on ne pourrait jamais récupérer l'investissement qu'on a mis dessus. Et un gars comme Laborde, tu prends quasiment 5 millions. Ça te permet, avec le transfert de Malcolm et tout ça, d'investir sûrement dans un bon neuf. Alors, par contre, c'est clair que ça tarde. Non, mais ton analyse, elle est bonne uniquement si tu recrutes un neuf qui t'apporte quelque chose. Si tu recrutes un neuf qui, en fin de carrière, genre parce que là, ça va être la fin du mercato et que, mettons que Pedro ne vienne pas, par exemple, que tu te retrouves avec un mec de, je sais pas, 30, 35 ans, voilà, que parce qu'il faut que tu recrutes quelqu'un et que ton analyse, moi je suis d'accord avec toi de faire partir la board, mais uniquement si le départ de la board entraîne une arrivée qui apporte une plus-value. Je pense que... Et là, vu l'urgence qu'il y a, je suis un peu sceptique, mais bon. Sceptique, je sais pas, parce que à mon avis, c'est juste une histoire de faire la rallonge. Depuis le début, Flumelen, ça en veut 20, on est à 17 a priori, et je pense qu'ils lâcheront pas à 20, et je pense que qu'on va les mettre sur la table. Et mais ça sera de toutes les manières, c'est sûr que c'est déjà trop tard. L'idéal, c'est d'avoir fini. En plus, il vient juste d'être convoqué pour les matchs internationaux. Sa cote, là, ils vont pas descendre en dessous. C'est l'énigme. Mais on va dire, sur le papier, ça serait le recrutement idoine. Et après, je pense que où on a merdé, pour moi, il faut absolument, moi c'est mon avis depuis le départ, il faut absolument qu'on prenne un latéral gauche aussi. Un latéral gauche, je dis pas parce que Maxime Pouget, je lui ai mis un paquet de cartouches des fois, là il est quasi irréprochable, mais il est au taquet de ce qu'il peut faire, C'est un bon numéro 2. Voilà, et le taquet de tout ce qu'il peut faire, c'est pas assez pour ça, quoi. On a quand même prolongé, c'est ça qui est embêtant, c'est que on a quand même une politique de club où tu prolonges un joueur qui est resté un an de contrat, qui était à deux doigts de partir, et là tu le prolonges, et puis si c'est pour fin du mercato recruter pour le barrer, je pense qu'il y aura peut-être un discours qui passera plus vis-à-vis du joueur. Est-ce que là il n'y a pas une possibilité que de se mettre un joueur à dos dans un vestiaire où on sait que Maxime Pouget, ben, il a apprécié, donc moi j'aurais tendance à dire attention. Après ça dépend ce qu'on veut. Si on veut franchir un palier, faut doubler les postes. Et faut vraiment doubler les postes. Alors, attendez, moi je suis pas en train de dire il faut qu'on vise avec des champions. Moi qu'on arrive à sortir dans les. On est dans une année, c'est la énième fois qu'on va dire que c'est une transition, mais là, espérons que ce c'est soit vraiment la une transition. Quand il y a une vente de club, je sais pas à quel moment on peut pas dire que c'est une année de transition. Je veux dire, c'est comme pour le choix de l'entraîneur. Moi ça me fait rigoler, on nous balance des noms là, ok. Mais. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un panic buy d'entraîneur là en fin de mercato pour prendre un nom qui le gars, on est juste en train de parler de sous là en fait. Hein. Et c'est ça. Je me dis, est-ce qu'il vaut mieux pas? Alors là, je balance un truc, c'est sûr, ça va faire rêver personne. Hein. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas garder Bédoué un peu encore jusqu'au prochain mercato? Jusqu'à décembre. J'ai jamais compris qu'on n'ait pas donné ça. Alors peut-être que lui ne veut pas. Vous vous rendez compte qu'il a 62 ans, qu'il a jamais aimé la pression médiatique. Là, ce qu'on lui demanderait, ça serait vraiment énorme. Déjà que ça fait chier de faire un intérim une fois encore. On a lancé un sondage sur les réseaux sociaux. Alors c'est l'initiative de Cyril. Mais c'était un peu dans cet esprit-là. C'est pour revenir à ce que tu disais, Nando. Alors on a posé préférez-vous un coach sur court terme, résultat de suite et construction juin 2019, donc ça c'est l'option 1, ou l'option 2 c'était un coach moyen terme avec un coach présent sur un projet sur 2 ou 3 ans, enfin alors même plus, voilà, je vais argumenter. Le choix numéro 1 c'était prendre un coach qui vient faire le pompier. On pourrait penser à un entraîneur style Ricardo qui viendrait pour 10 mois. Courbis qui viendrait pour 10 mois pour remettre le club à flot et puis justement faire une transition, la saison de transition, pour donner les clés à un entraîneur comme Thierry Henry qui viendrait dans des conditions parfaites pour préparer la saison et compagnie. Ou est-ce qu'on partirait sur est-ce que tu préférerais partir sur un coach comme Henry et quitte à lui laisser les clés du bateau maintenant avec un effectif peut-être un petit peu bancal où il manquerait peut-être un peu d'expérience pour gérer une crise. Déjà c'est à mon avis si on n'a pas encore de nom, je pense que c'est ça qui cloche avec ces coachs-là. A priori, à part un mec comme Ranieri qui est réputé pour tirer la quintessence de ses joueurs avec le groupe qu'il a, tu lui files un groupe et il arrive à en tirer le meilleur, ça fait des fois un jeu dégueulasse. Mais il arrive à en tirer le meilleur. Nantes des premiers mois, c'était pas beau. Mais ça a gagné. Un mec comme Henry, il a jamais été coach numéro 1. Est-ce qu'il va vouloir se lancer avec un effectif qu'il n'a pas choisi, avec truc. Alors ça va être quoi? Ça va être on va le payer très très cher, parce que si jamais il vient, ça sera très très cher. Et on va le payer très cher. Et il va faire quoi? Emery, il est en train de faire. Ça se passe pas bien à Arsenal. Imagine, en janvier ou n'importe, Arsenal l'appelle. Vous croyez qu'il va faire quoi, Henry? Oui, non, mais c'est sûr. Moi, Henry va s'arracher. Absolument pas. Henry, c'est comme un mec. C'est un mec comme Blanc. Il faut qu'il arrive avec son réseau, je me trompe peut-être qu'il va venir comme ça, mais j'ai du mal à y croire. J'ai l'impression qu'un gars comme Klinsmann, par exemple, alors moi je suis pas fan forcément, mais je pense que c'est un gars qui viendrait sans problème. Surtout que les Américains, à mon avis, ça doit leur plaire. Ancien coach des USA, mais bon, un mec comme Klinsmann, faut pas se leurrer, hein. Il a 12 ans de carrière d'entraîneur. Il a fait juste 170 matchs, je crois, ou un truc comme ça, dont une saison avec une équipe du Bayern, du feu de Dieu, où il se fait virer au mois d'avril. Et je crois que j'avais regardé une fois ses stats. Je crois qu'il a pas plus de 56 ou 55% de victoires sur les trois, que ça soit avec la Mannschaft, que ça soit avec le Bayern ou ce soit avec les États-Unis. Donc on est sur un mec qui est pas non plus, on est sur un grand nom, sur un ancien superbe joueur, mais on n'est pas sur un entraîneur, on n'est pas sur une Ferrari non plus, quoi. Moi j'ai du mal, c'est savoir qui va accepter surtout, parce que on part du principe que par exemple, si on prend les coachs qui sont sortis, que ça soit Ranieri, que ça soit Henry, que ça soit tous les autres. Qui pourrait accepter, au-delà du fait qu'il n'a pas construit le groupe? Parce que moi, je me mets à la place d'Henri, je me dis, en effet, j'ai pas construit le groupe, donc j'aurais une excuse si jamais ça marche pas. Mais là, c'est pas un problème de groupe, c'est un problème de club. C'est qui va accepter de venir là, maintenant, dans le bordel actuel? Sans savoir qui sera son patron dans 2 semaines. Moi, je crois que dans les noms qui sont sortis, celui qui viendrait en suivant, si on paye le prix, parce que je crois qu'il est très cher aussi, c'est Ranieri. Ranieri viendra. Attends, il a été à Nantes. Hein. Et Nantes, il y a beau avoir... Tu bosses avec un président, il a des qualités, mais il a un paquet de défauts. Sauf que Ranieri, c'est très, très, très, très cher. Hein. Mais oui. Ah, ça, j'en doute pas. Après, les supporters, là, ont plutôt opté pour l'option 2, c'est-à-dire un coach sur un projet à long terme de 3 ans, avec 78% de personnes qui voulaient un projet à long terme. Mais quand on fait venir Poyet? On le sait que c'est à court terme. Moi, personnellement, je ne le voyais pas aller plus loin que le jeune. C'est bon, après, c'est... Tout le monde le savait que Poyet, c'était 6 mois, et puis voilà. Tout à l'heure, sur le chat, il y a... Je sais plus. Lucas. Je crois que c'est Lucas qui disait, mais personne ne le voit revenir. Mais, en parlant de Poyet. En disant, en gros, qu'on l'a déjà éliminé. C'est vrai que ses arguments se tiennent quand même. Déjà, oui. Il a les résultats, il nous non, a. Mais enfin, ouais. C'est pas une question de dire on n'en veut plus. Oui, c'est une question que. On part du principe, et je pense qu'il y a 9 chances sur 10 que ça se passe, que vendredi, à l'issue de son entretien, il soit officiellement licencié. Thibaut, je te pose une question, et même à Nando et vous, messieurs, au téléphone. Est-ce que il est envisageable, je vous demande pas, de quoi? Non, rien. Et vous, messieurs, au téléphone. Oui, je suis très fatigué là. Enchaîne. Est-ce qu'il est concevable que si d'ici vendredi, Bordeaux n'a pas trouvé son entraîneur, Bordeaux dise OK? Non. Ok, t'es peut-être allé un peu loin. Nous, on n'a peut-être pas été non plus très franc avec. Enfin, j'invente, mais de dire ok, force est de constater que nous, on n'a pas de piste. On garde jusqu'en décembre. Non mais c'est le discours. Je vous dis pas que ça serait pas horrible. Je dis, est-ce que c'est complètement surréaliste? C'est le discours que a essayé de vendre Martin le lendemain de la mise à pied de Poyet en disant. Il répondait une question. Est-ce que s'il y a des efforts qui sont faits, est-ce que lui vient s'excuser? Est-ce que oui, voilà, par exemple. Il a noué le poisson en disant oui, on va peut-être, mais personne n'y croit. Quand tu te fais allumer comme ça, t'imagines quand même, tu reviens, réintègres un entraîneur qui t'a fracassé la gueule. Et il faut penser aussi à l'image que tu donnes, pas forcément que dans le, mais aussi aux administratifs. C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est l'institution qui a été bafoué, c'est le ton que t'emploies quand tu t'attaques à ton président, à ta direction, avec des propos qu'il a tenus. où il a quand même dit qu'il se faisait enfiler et tout. Donc voilà, c'est quand même des choses qui sont dénigrer son client, son patron sur une place publique. Enfin, c'est même pas ça. T'imagines l'image que tu... Enfin, déjà, à Bordeaux, l'image, elle est pas bonne. Donc, on fait quoi si on n'a pas de coach vendredi? Mais on n'aura pas le coach qu'on voudra. Mais déjà, attention, t'en as au moins un coach. Il s'appelle Courbis, puisque le mec, il a dit qu'il voulait revenir. Donc, si c'est Courbis, j'ai envie de te dire, tu t'en as au moins un. Donc, tu peux pas dire que tu ne savais que tu n'en as pas. Mais l'aveu de faiblesse, tu t'es fait... Enfin, ça veut dire... Il y a deux choses. Soit ça veut dire Pouillet a raison. Mais à ce moment-là, ça veut dire que toi, tu as menti devant la presse. Donc, c'est pire. Parce que t'as mis à pied un mec, parce que soi-disant, il aurait menti alors que c'est toi qui as menti. Ou alors, mais toi, t'as pas menti, mais t'as juste pas de couronnes. Là, comme l'a dit Pouillette, là, c'est clair, net et précis. Tu peux pas te permettre... Enfin, ou alors t'es débile. Enfin, après, les dirigeants sont assez débiles pour pouvoir le faire, hein, franchement. Non, mais après, il y a aussi la question. C'est Pouillette. C'est Pouillette, déjà même. Est-ce que vous croyez sérieusement? Moi, je pense que s'il a vraiment, outre ses qualités d'entraîneur, parce qu'il en a des qualités d'entraîneur, il a son gros point fort. Pour moi, c'est une qualité, c'est son franc-parler. Donc, ce qu'il a dit, il le pensait entre guillemets. Après, il l'a arrangé à sa manière ou pas à sa manière. Mais est-ce que vous croyez réellement que si jamais, hypothétiquement, il voudrait revenir avec Ulrich Ramé encore là? C'est impossible. C'est-à-dire que ce gars-là, c'est pas possible. Et donc, je veux dire, et je pense, on ne tranchera pas dans le vif là, ça c'est sûr et certain à mon avis, sauf vraiment si c'est si ça vient d'Ulrich Ramé lui-même, mais je ne vois pas, après je ne le connais pas, donc je ne peux pas vous dire. Il y en a peut-être d'autres. Hein, mais enfin, je veux dire, voilà, mais après, bref, moi je pense que, dans cette, quand on parlait du sondage là que vous avez mis, moi je suis pour du long terme aussi, mais le problème... On met la charrue avant les deux. Mmh. C'est-à-dire que la vente, elle va se finaliser quand? C'est en septembre, début octobre. C'est ça, donc, dans ce dos-là. Comment tu veux dire, je prends un coach pour du long terme, alors que tu ne sais pas les moyens qu'ils vont mettre chaque année dedans, tu ne sais pas quel est le projet, la vision à court terme, à moyen terme, à long terme, que va mettre le nouveau propriétaire. Donc, moi, je pense que c'est quasi impossible. En plus, alors, on aurait changé directement fin juin. Ok, tu te dis, on prend un entraîneur pour du long terme, on se dit que ça va le faire. C'est dans l'urgence. Il choisit son mercato, il fait son mercato, voilà. Mais là, le problème, c'est, je sais pas, pour moi, il faut parler de ce que l'on a devant nous, c'est-à-dire qu'on est au 20 août, c'est ça? Je ne sais même pas, je rentre de vacances, alors on est le 20 août. On est le 20, tout à fait. Le 20. Donc, on est le 20 août, on n'a pas bouclé le mercato, on n'a pas la vente qui est finalisée, on a un coach qui est sur une procédure de licenciement, donc j'imagine mal, ou alors on a été très très fort et ça fait deux mois qu'on anticipe ça et qu'on a bossé en sous-marin, mais j'y crois pas, parce que j'y crois pas du tout, mais voilà, je pense qu'on met la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que là, alors voilà, après c'est pas, j'ai pas de, moi personnellement j'ai pas de recette miracle, mais voilà, je pense que à l'heure actuelle, c'est très difficile de se dire je prends tel mec pour un projet à long terme. C'est très difficile. Donc voilà quoi. Après, il vaut mieux peut-être passer soit, ben, comme on disait, soit par de l'intérim prolongé, sauf si ça le gonfle et que bon, ça c'est sûr, soit prendre un entraîneur, mais le dire très clairement, un entraîneur de coup, et puis voilà, et voilà, mais. Et après, on va dire, dans les noms qui sont sortis, celui qui, à mon avis, est le plus à même de composer avec un effectif qu'on lui donne comme ça, c'est Ranieri, je pense. Après, Klinsmann, je connais pas assez, mais là, c'est juste ses stats qui me refroidissent un petit peu, quoi. Mais voilà, quoi. Mais Klinsmann, c'est plus un, je verrais plus comme directeur sportif. Mais deux secondes sur Poyet, s'il est pas viré, c'est juste parce que c'est une procédure, c'est tout, et qu'il doit être viré, et sûrement pour faute grave ou faute lourde. Derrière, certains pensaient à Jean-Louis Garcia. Bah Jean-Luc Garcia, ça joue bien en ballon, mais ça descend. Donc, Arrêtez, Jean-Luc Garcia, putain, c'est des gens qui ont entraîné 3, ils sont montés en Ligue 2. Ils marchent sur la Ligue 2, ils se font descendre en Ligue 1. C'est Namor sur Twitter. Et il y a Azer Teaser qui dit que Henry a failli signer à Aston Villa avec Kodjia comme star. Donc, il peut avec très qui, bien. Pardon Kodjia. Donc, donc voilà, donc il peut très bien, venir, même si. Mais personnellement. Ouais, faire un parc à Aston Villa, c'est. Enfin, faut pas rêver, quoi. Il est à Londres. Il serait déjà en Angleterre. Ouais. Pas loin de la maison d'Arsenal. Bon, et en parlant de quelqu'un qui a sa maison ici, c'est Laurent Blanc. Et surtout, pour avoir vécu 4 mois à Londres, je vous assure qu'on est bien mieux à Bordeaux qu'à Londres. Oui. Ah, sans problème. Mais ouais. Après, sur un projet à long terme, moi, je vois. On n'en parle pas beaucoup, mais je vois plus Laurent Blanc qui est déjà ici, mais. S'il vient, il faut qu'il ait les garanties des Américains. C'est la seule condition et ça serait celui qui s'adapterait le plus facilement vu qu'il connaît déjà tout le monde et il est déjà connu ailleurs. Voilà. Cyril, Marc, puisque je vois qu'on... Non, mais moi, j'aurais aimé connaître l'avis de Nando sur la Gantoise. Comment tu sens ce match-là, toi? Jeudi, comment tu appréhendes cette double confrontation? Eh bien, étrangement, je suis pas trop inquiet. Tu vois, alors c'est que du feeling. Hein. Je suis pas un pro de ce club de Gant là, mais je sais pas. Je me dis que, je vais juger sur ce qu'on a fait pour l'instant en Europa League. Alors, on n'a pas été flamboyant, mais c'était constant. Il y a eu du bon. C'était pas trop mal, parce que c'est jamais facile, même des. On va pas rappeler l'épisode de l'an dernier, hein, mais donc c'est vrai que moi je me dis, en plus on a Kalou que j'ai trouvé pas mal contre Toulouse, tu vois, je fais une aparté, mais que j'ai trouvé pas mal finalement. On avait de nouveau côté droit et j'ai trouvé intéressant ce qu'ils nous ont proposé, offensivement en tout cas. Et même je trouvais Kalou, il va jouer contre. À moins qu'il y ait un accord, il n'y a pas d'accord, non, qu'il ne joue pas contre. Non, il ne peut pas y avoir d'accord sur un transfert, je pense pas. Donc, moi je pense qu'il peut. Il va aller là-bas pour. Je pense qu'il va vouloir montrer. Déjà, je trouve qu'il a montré des belles choses. Voilà, là où je l'ai trouvé très intéressant à Kalou, c'est quand il jouait dans l'axe et qu'il était à côté de Camano, justement. Donc, quand ils combinaient tous les deux, c'est là que je les ai trouvés les plus dangereux. Ouais, et puis attends, c'est quand même. Ça fait un petit moment qu'on ne voit pas des bons centres qui arrivent côté droit aussi, ça fait du bien quand même, parce qu'on en a eu quelques-uns qu'il a déposé plutôt pas mal. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas ça, quoi, avec un mec depuis Malcolm, quoi. Mais je veux dire, ça fait un petit moment, là qu'on avait Malcolm qui faisait un peu tout, qui était à la fois au milieu, des fois à gauche, des fois à droite. Mais moi je trouve que c'est pas mal, quoi. Et après, le petit Palencia, je sais pas, vous avez sûrement dû en parler tout à l'heure, j'ai pas pu écouter tout à l'heure. Hein, donc, oui, on en a parlé un peu ça. Mais voilà, moi j'ai trouvé offensivement bien, tactiquement, défensivement pas mal. Après, bon, très light sur les 1 contre 1, parce que le recul frein, c'est plutôt le recul frein à main, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il se bloque et il s'est fait, alors 2-3 fois, c'est... Gradel, bon, il n'est pas facile à défendre. Il n'est pas tombé sur le plus simple aussi. Hein. Voilà, non, c'est sûr. C'est pas le plus simple, mais bon, je me dis, ok, c'est Gradel, mais quand ça va être des Neymar, ça va être des... Bon, c'est son premier match pro, parce qu'il a joué que des matchs avec la Masia. Exactement. Non, mais moi, je ne tire pas boulet rouge, loin de là. C'est vraiment c'est un constat sur un seul match. Et c'est vraiment, il a souffert... Il a souffert sur ses 1 contre 1. Après, par contre, ça fait du bien, quoi. Ça relance bien, hein. ça trouve les intervalles, ça propose. Nando, moi, je sais pas ce que t'en as pensé. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est surtout au fil du match, en fait. Ils se sont ouverts, en fait. On a vu que ce soit Palencia ou Kalou, en fait, c'est au fil du match. Au début, on les voyait un peu crispés. Surtout Kalou, offensivement, on voyait qu'il n'osait pas. Et au fil du match, il a commencé à se libérer. C'est comme Palencia, on l'a vu. À la fin, il n'hésitait plus à se jeter sur les joueurs. Il se jetait sur le ballon. C'est un vrai petit guerrier. Il m'a fait penser un peu. Moi, il me fait penser un peu dans le fond de ça, un Gilbert. Tu vois, genre, pas forcément. Enfin, dans le même style, un peu un petit combattant, tu vois, qui est toujours là, un peu pas mal. Et après, Kalou, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est clair que au niveau des coups de pied arrêtés, c'est autre chose. J'ai vu un truc qui m'a frappé, c'est sur son coup franc qu'il a tiré excentré à 35-40 mètres. Il te met une praline. Il n'y a plus qu'à avoir un bon mec à la tête et il y a but. Enfin, c'est un très beau centre. En même temps, quand tu viens de la Masia. On parle de Kalou là. Ah, pardon. Après, c'est clair que surtout là, c'est heureusement, j'ai envie de dire qu'il s'est tiré des coups francs parce que quand tu vois que c'est Plazil à chaque fois qu'il vient tirer. Après, il en met un plein mur à 20 mètres. Oui, mais quand tu vois que c'est Plazil qui vient tirer avec son pied gauche parce que même son pied gauche est meilleur que tous les pieds de l'équipe, c'est un peu triste. Après, donc pour le match de jeudi, je pense pas qu'on alignera un 4-3-3. Ça m'étonnerait. Je pense qu'il va falloir jouer. Enfin, c'est ça un peu qui m'a un peu surpris. Alors c'est pareil, je vais parler un petit peu de Toulouse, vous avez dû en parler, mais c'est ce qui m'a un petit peu étonné avec la compo de Bédoué. Pas que je sois anti 4-3-3, pas du tout, mais quand t'es pas trop dans la lutte. Voilà, que t'as trois milieux qui ont, alors je vais pas dire ça, Plazil, il a pas un pied carré, mais quand tu joues en alignant ces trois milieux-là, putain, c'est chaud, en face, ils nous ont mis, de mémoire, c'était un 4-2-3-1 ou un 4-3-2-1, je crois, et on s'est fait, mais ouvrir totalement au milieu, quoi. Et les mecs, ouais, je pense que là, il faut repartir sur des. Alors c'est pas très beau, il faut se rassurer. Alors, certes, Pablo jouait pas, là il va rentrer. On a quand même une assise défensive qu'on a retrouvée avec Pablo Koundé. Il faut un petit peu densifier. Alors densifier, ça ne veut pas dire mettre que des hockeyeurs au milieu, quoi. Mais il faut un petit peu densifier le milieu, et ça peut être avec des mecs dans les couloirs qui vont vite, comme Kalou et tout ça. Mais je pense qu'il faut qu'on reprenne la base. C'est-à-dire, on a des mecs pour pouvoir jouer comme ça. Il faut pas avoir envie de. Moi, j'étais un peu étonné, quoi, qu'il annonce un 4-3-3 comme ça direct. On savait que ça allait pas être facile à Toulouse, et Toulouse, ils nous ont mis une opo très dense, et voilà, et on s'est fait, alors c'est normalement, c'est ça qui est un peu étonnant, normalement, tu sais que quand t'es en début de saison, que t'as joué des matchs, parce qu'on a joué plus de matchs que Toulouse, mais normalement, tu sais qu'au début, quand t'as joué le jeudi, ou comme ça, tu sais que les jambes sont un peu lourdes, et t'es meilleur en seconde période, et là, ça a été l'inverse, c'est ça qui a été, à part les recrues, qui pour le coup, eux, n'avaient pas pas trop de matchs dans les jambes. Eux, ils se sont découverts en seconde partie de match. Mais c'est ça un peu qui était étonnant, quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé cette compo étonnante. Après, bon, écoutez, c'est facile de le dire, hein, pardonnez-moi l'expression, mais c'est quand on voit les couilles qu'on dit que c'est en mal. Mais c'est ça, quoi, en fait. C'est facile de parler après, mais moi j'étais un petit peu étonné par cette compo. Mais donc je pense que jeudi, si les mecs, t'as beau dire ce que tu veux, l'Europe, pour l'instant, ils l'ont joué. Donc je pense qu'ils vont jouer jeudi, et on n'a pas non plus. C'est pas le Real Madrid en face, quoi. Messieurs. Merci Nando, messieurs. Un pronostic, Nando. Oui, j'allais y venir. Il y a le jingle, il y a tout ce qu'il faut. J'allais y venir. Pas de panique. Mais quand même, tranquillou. T'inquiète, paupiette, tout est prêt. Regarde, il y a juste un pied sur un bouton. Ouais, évidemment, ça marche pas. Quel est votre pronostic? Oui, votre pronostic. Une boucherie. Oui, parce qu'on est en 2018, mais la technique est restée coincée en 84. Visiblement. Nando, boucherie ou pas boucherie, je dis. Non, toi, t'es confiant. Confiant, je vois pas une victoire, mais je vois un beau nul, genre 2-2. Ouh, Adrien aurait pu nous le faire, ça. Tiens, Thibaut, on commence de droite à gauche, on va changer de sens. Victoire très courte, 1-0. Adrien. Une victoire quand même. Allez, 3-2. Pour Bordeaux, bien sûr. Avec, tu sais que ça nous arrange limite mieux un 3-2 pour la Gantoise. Ah, mais... avec non, le jeu mais de but non, à l'extérieur. Hein. 3-2, tu mets 3 buts à l'extérieur. Ouais. Oui, c'est logique. Cyril. Moi je suis pas optimiste comme vous. Moi je vais dire 2-1 pour la Gantoise. Oh, c'est un bon résultat, 2-1. Bah, 1-0 retour, tu vois. Pour moi, on n'est pas éliminé. Donc à 2-1, t'es pas éliminé. 1-0 retour. Sur un malentendu, un péno, un coup franc, une connerie, ça peut marcher. Enzo. Avec une recrue. Avec une recrue qui. Enzo. Je suis choqué par le nombre de fautes d'orthographe que Marc peut faire sur les réseaux sociaux de GA. Ah, mais je le suis tout autant, mais ça fait 10 ans. Quand ça fera 10 ans, t'auras l'habitude de batailler. C'est incroyable. On refait les tweets au fur et à mesure, et en fait, je dois les supprimer, les remettre, à passer à des fautes. Le pire, c'est qu'il fait les mêmes à l'oral. Alors. Oui. Non, mais c'est ça, si tu veux. C'est que... Moi, ça m'étonne plus, en fait. Je suis plus choqué. Le c'est mec une veut... langue étrangère. Voilà. Il y a pas de faute. C'est... Ouais. Non, moi ça m'étonne pas. Et du coup, mais pour revenir. Mais déconnez pas, ils gagnent plus que nous tous réunis. Hein. Ouais. Pour revenir au pronostic. Au pronostic, moi je vois un. Ah oui. Marco. Moi je suis comme si. En fait, c'est même pas que je suis comme si. C'est-à-dire que. Je nous vois perdre, et le problème c'est que je nous vois perdre bien 2-0 ou 3-1. Et comme je signerai pour perdre que 2-1, ben je vais dire 2-1 pour l'avantage. Eh ben moi je dis pareil, 2-1, sachant que pour moi 2-1 c'est... Tu t'hypothèques pas complètement toutes tes chances. Ça t'oblige à jouer à domicile. Ça t'oblige à jouer à domicile devant un stade plein. C'est-à-dire que quand le club a la bonne idée de. Il y aura un petit peu plus de monde. Je sais pas si vous vous souvenez de Bordeaux, l'Étoile Rouge de Belgrade. Ah, c'était le feu là, mon gars. Voilà. Quand le club a pas la bonne idée dans la situation du club actuel, hein, c'est-à-dire dans une crise dirigeante créée par les dirigeants et le coach, n'a pas la bonne idée d'inviter les abonnés et que la place n'a pas choisi. Soit 15€, je trouve pas ça. Ah, correct. C'est ça le mail que j'ai reçu tout à l'heure. J'ai le téléphone qui a sonné, je vois FCGB machin. Non, mais 15€ la place. C'était la même pour Venpils. C'était la même pour Venpils, c'est marrant. C'est gratuit pour les abonnés. Je veux dire, les gens ont fait. Franchement, dans le climat actuel, on sait pas ce qui va se passer. On sait pas à qui on est vendu. On sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Bah, écoute, le mercato, il a pas démarré. Le coach, il se barre. Il y a la crise. On sait toujours même pas s'il y en a un attaquant qui va venir. On a que deux attaquants valides à l'heure actuelle dans l'effectif. Tu te dois au moins, par respect pour ceux qui ont voulu au moins mettre au minimum 130€ dans un abonnement pour voir une saison pourrie comme c'est le cas depuis 2010, les invités. Parce que là, c'est juste incorrect et juste du foutage de gueule pour 15€. Ou alors, je sais pas, 5€ la place. Mais 15€, on va où, sérieux? Le problème, c'est que je vais la prendre parce que je vais y aller et que les joueurs on va tous la prendre. Sont pas responsables. Mais non, pas tous. Et on sera encore dans un match d'Europa League de barrage. Moi, j'ai cherché à 10 000 dans le stade. On sera à 10 000 dans le stade. Et quand il faudra à 10 000 dans le stade. Faire du bruit pour pousser notre équipe parce qu'on aura perdu à l'aller, on en reparlera. C'est clair. Heureusement, les ultramarines seront encore une nouvelle fois là. Merci, comme Marc. Ils l'ont été pour le match à Toulouse. Félicitations à eux. Au moins, eux, ils doivent souffrir. Merci. Et Stadier. Lando, mais on va te remercier d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Et tu as vécu un coup de gueule de Marc. Tu as vécu un coup de gueule de Marc en direct. C'est pas. Bon, c'est moins pire qu'à l'écrit. Mais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai mis. Il a fait. Ah putain, t'as mis. Je sais pas. Les abonnés, j'avais mis. ES. En gros, c'est pas la pire, je veux dire, au moins que les filles. Bah, il y avait que les filles, oui, et ça peut concerner. Il me fait, ouais, vas-y. Non, mais attends. Non, laisse-moi finir. Je lui dis, vas-y, ouais, corrige. Et puis, tu vois, il copie-colle, il refait les questions, il relit le truc, et il voit, putain, il manque un S à il. C'est à qui que je t'ai repris sur Facebook, à professionnel, t'as mis E2LES? C'est sur la tribune, mais je sais pas. Ah oui, sur la tribune Gold, voilà. J'ai jamais su écrire. Il parle à Julien B et Guillaume Car, il leur dit, oui, vous, je sais pas quoi, vous êtes de vrais professionnels, E2LES. Mais peut-être que j'ai pas menti en soi, personne n'a jamais été voir ce qu'il y avait à cet endroit. C'est vrai, Nando. Tu parlais peut-être des professionnels Saint-Étienne ou du côté de la Jonquera ou non, des professionnels, oui. Bah alors après, Saint-Marc, qui fait ce qu'il veut cet été, ça ne nous regarde pas. Puis c'est Méline qui va être contente, c'est bien. Merci Lando, le divorce est donc prévu la semaine prochaine. Non, merci Lando, c'était très sympa d'avoir passé cette demi-heure avec toi. Merci. Puis écoute, je sais pas si du tout si t'es sur Bordeaux ou pas, mais si jamais t'es sur Bordeaux, que tu veux passer en studio. Ouais, je passerai un jour en studio, je suis pas très loin, je suis au Pays Basque, mais je monterai dans le Nord. Ah bah si tu montes un jour un week-end voir un match ou quoi, tu quitteras la pluie du Pays Basque. Bah je monte quand même au stade de temps en temps, mais je monte est-ce pas. Est-ce que tu viens dimanche? Non, dimanche je serai pas là. Bon, parce que normalement les auditeurs, il y aura émission dimanche à 19h après le match. C'est ce qu'on prévient de la radio quand même. Mais j'ai demandé à la radio, c'est pour ça. Normalement je dois me faire confirmer qu'on n'aura pas d'émission à ce tranche horaire. Normalement c'est pas le cas, donc normalement on peut et on devrait faire une émission, c'est ce qu'on avait voulu faire. Donc vous aurez une émission, ça peut après être une émission le match mémorable contre Monaco en studio. Donc le match finissant à 19h-10, on va essayer de partir avant la fin de la rencontre. Allez, on va dire 7h30, prendre les bouchons, mais on va essayer, voilà, peut-être que le début aura lieu à 19h15 ou 19h30. On va voir comment on s'organise, mais il y aura une émission après le match. On veut pas concurrencer Gold. Et on appellera même Gold, ça peut être très marrant. Non, je crois qu'on a pas le droit. Ah, on peut le faire, ça? Non, je crois qu'on a surtout pas le droit de faire ça au niveau du CSA. Mais ça aurait été drôle d'appeler Gold. Oh, le CSA. Mais je demanderai à Julien en si branchez vos transistors vers 15h15, on va dire. À partir de 15h15, allumez vos radios ou 15h20, et puis on. Pas 15h. 19h. Voilà. Et on. Ouais, enfin, écoutez, et on déboulera en direct. Donc, Nando, merci beaucoup. On peut te suivre sur évidemment Twitter, Facebook, YouTube, enfin tout ce qui va bien. Tu peux rappeler tes YouTube non mais pas YouTube, je sais pas comment ça s'appelle les trucs. Vas-y, donne-nous tout ce que t'as à donner. Alors, en fait, tu sais peut-être pas, mais Seb, en fait, c'est un génie des réseaux sociaux. On est encore en train de lui apprendre le mot hashtag. Donc, non, moi j'ai Facebook, ça va, je suis bien, je suis que sur ça, ça me va bien. Non, mais je suis pas venu, je vends pas ma camelote. Moi, je suis venu pour vous faire un coucou, ça me faisait plaisir, et puis on se fera, ouais, Je ça me plairait bien d'en faire une en studio avec vous. Ouais. Et puis t'amènes le jambon, faut quand même pas déconner. Et le reste. Merci Nando. Merci. Allez, Nando. Salut, les gars. Bonne soirée. Salut à tous les auditeurs. Merci. Ciao. Bonne soirée, ciao. Allez, Lionel. Ouais. Messieurs, sympa. On l'avait pas déjà eu, non? Jamais, je crois pas. Jamais. Mais la fois, il a quand même invité. Il a quand même dit, ah, c'est cool, on t'a eu. Ouais, mais attendez, les gars. En l'espace de 2 semaines, on a 5 journalistes différents. Clément Carpentier, Damien Mathieu, Clément Mathieu, Adrien Mathieu. Mais c'est ton problème. En plus, je te le note sur un papier, Seb. Je te l'ai noté. Ouais, je t'ai passé la feuille. Si, j'avais le papier. Et tu t'es planté. Allez savoir pourquoi des fois la vie comme ça est faite de mystères. Bien, on va se quitter là-dessus. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais, on va juste féliciter toujours le leader actuel du concours de pronostics. Toujours. Ce que tu voulais faut faire. Vraiment que je m'inscrive. Ouais, vas-y. On va le partager. Surtout, j'avais sur les misé sociaux. Mime. On va le partager sur les réseaux sociaux. Je vais le mettre demain parce que bon, là, cette heure-là, ça sert plus rien. On va le partager demain. Mais le classement actuel de la ligue prono entre amis qu'on a lancé. Attends, ça veut dire que sur les 130 ou je sais pas combien d'inscrits, Cyril il est premier. Ouais. Cyril est premier, c'est ça. Je crois que c'était Jean. Je suis premier et juste pour faire un petit truc, les membres de GA alors moi j'ai juste le truc des 17 premiers. Ah, on a Cyril qui est premier, on a Adrien qui est 4e. Hey, Marc qui est 8e et moi-même je suis 10e. Et moi qui m'inscris dès ce soir, et cette fois-ci je le fais vraiment. T'es pas inscrit? Ben non, je suis pas inscrit, okay, j'ai oublié de le faire. La radio. Bah oui, il faut que je le fasse. Non mais pour donner un ordre, je crois que j'ai plus de 10 points d'avance sur Adrien quand même. Ouais. C'est pas mal. Bien, messieurs. Merci Thibaut. Juste un truc, il y a les Bleuettes, là, l'équipe de France féminine. Ah oui, c'est ce soir. Qui a été éliminée de la Coupe du Monde. Une défaite face à l'Espagne 1-0. Et il y a une Bordelaise qui joue dedans, c'est Julie Thibaut, qui donc jouera une petite finale. Pour la troisième place. Et elles ont évolué à 11 contre 10 pendant 20 minutes, je crois, les Françaises. Et malheureusement, elles ont raté un pénalty à la 70e, je crois. Bah, souhaitons-leur de gagner cette petite finale, ça serait bien d'avoir. Une Bordelaise, Julie Thibault. Si, c'est ça. Et d'ailleurs. Et de le dire. Moi je suis prêt, mais alors vous êtes sourd en attendant et débile. Même moi je suis suivi. Ça a pour conséquence. C'est son jour de reprise, pour être indulgent. Le premier match, c'est féminine. Vu qu'il y a deux Messine. Deux Messines qui sont dans le groupe France, donc allez, nos limites jusqu'à minuit. Ils ont autorisé à décaler le match. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est tombé cet après-midi, ça, on l'a entendu. C'est bon, quelqu'un encore petite info à donner ou pas? Non, mais bon, tant qu'à faire, allons-y. Vas-y, c'est bon, fais ton plaisir. Non, mais tout va bien, c'est bon, ça est fini. Vend une GX Break. On vous remercie beaucoup d'avoir été encore très très nombreux ce soir à nous écouter. On s'excuse pour les problèmes de connexion. Bon, c'est pas tout le temps, on vous rassure, mais voilà, des fois internet, on maîtrise pas. Donc voilà, il y a eu deux coupures assez gênantes. Il y aura le podcast dans tous les cas si vous avez raté quelque chose, ne vous inquiétez pas. Ça sera sur la même publication. On va détacher Nando Chalana de c'est pas le joueur qu'on a eu. Voilà, Chachalana du podcast. Enfin, on va les scinder en deux, mais ils seront sur la même page, comme ça vu que vous avez plus avoir envie d'écouter de lui que nous parler, on va vous le découper. On se retrouve. Pas Nando, le podcast. Voilà, forcément. On se retrouve vendredi 20h, 21h30. Ah, attention, les horaires ont changé puisqu'on a 20h, 21h30. Qui nous a appelé et qui bah, l'émission est finie. Ah oui, on finit voilà. À 9h30 maintenant. Et émission dimanche 45, à partir de 19h. On communiquera sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'on laissera une personne pour l'instant sur la fan zone qui nous rejoindra en cours de route pour avoir vos réactions à l'antenne. Voilà, on va essayer d'organiser ça et de vous proposer quelque chose d'original qu'on n'a jamais fait et qu'on fera pour la première fois. Et n'hésitez pas à chaque fois, à chaque émission, à réagir avec le hashtag DirectGA. Tout à fait. Merci Enzo pour ces précisions. Je disais donc merci Thibaut, merci Adrien, merci Cyril, merci Enzo, merci Marc, merci. Qui on a eu au téléphone ? Ben Nando, on a eu Dexter. Dexter, Kanté et Sébastien. Non mais Kanté, ça suffit. Oui, on a Kanté, Dexter Kanté et Sébastien. C'est comme si on a eu Frogier Marc. Et alors, allez, et Sébastien. On va se quitter là-dessus. Merci à vous tous. Donc on se retrouve vendredi 20h 20h30. Oui, c'est ça. Donc on pourra voir si Cyril a raison, si on a hypothéqué toutes nos chances de qualification ou pas. Non, j'ai jamais dit ça. Hypothéqué. Bah oui, si on prend une tannée, ça veut dire que là, j'ai dit que je voulais pas. Ah oui, mais que du coup, si ça arrive, c'est que j'aurais eu tort. On refait l'émission. Peut-être que vendredi, tu auras tort. Dieu bénisse. Voilà. Allez, merci à vous. Donc, vendredi 20h, 20h30, RIG90.7 FM, RIGFM.fr. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Un bon match jeudi si vous allez en Belgique. Pourquoi pas, après tout. Sinon, c'est 20h45 sur RMC Sport 1. Et faites la place gratuite aux abonnés, merde. Merci. Allez, bonne soirée, bonne semaine. Et allez, vendredi.